Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans le Fan Club français des New England Patriots, l'émission. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission où on va parler pendant une heure des New England Patriots. Alors, on va nous présenter le sommaire, de revenir sur le match des Chiefs et de parler de ce duel entre les Broncos et les Patriots. Laissez-moi vous présenter les invités de ce soir. Il est de retour pour la deuxième semaine consécutive, le roi de la fantasy, j'ai nommé Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous, bonsoir Cédric, bonsoir JJ. Et vous avez entendu Romain, notre deuxième invité. Il s'agit d'un des fleurons du fan club, celui qui pousse à vous inscrire sur le fan club. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, vous l'avez reconnu, il s'agit de JJ. Bonsoir JJ. Bonsoir, merci à nouveau de m'inviter. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous reviendrons bien entendu sur le match des Chiefs. Est-ce que c'est un divisional plein de promesses ou c'est seulement un passage à vide des Chiefs? Alors nous parlerons évidemment de la O-line qui a freiné le pass rush, ou alors est-ce que c'est le pass rush des Chiefs qui était vraiment affaibli? Nous parlerons évidemment de cette attaque des Patriots qui a été plutôt efficace. Nous parlerons de la défense, est-ce qu'elle est au niveau d'une défense des playoffs? Nous parlons des tops et des flops. En deuxième partie d'émission, nous parlerons évidemment de ce dernier tango entre Brady et Manning, de ce duel, de cette finale de conférence entre les Broncos et les New England Patriots. Je demanderai à mes invités leurs souvenirs et ce que leur évoque ce duel Brady-Manning. Nous parlerons évidemment du facteur X de ce match qui est le niveau de Manning. Nous aborderons aussi le niveau de cette attaque qui va affronter une des meilleures défenses de la ligue qui est celle des Broncos. Nous parlerons évidemment du jeu de course des Broncos, des autres clés du match, des équipes spéciales. Nous terminerons par le pronostic et en dernière partie d'émission, nous irons jeter un coup d'œil sur l'autre finale de conférence. Il me reste à vous souhaiter bonne émission, le Fan Club français des New England Patriots épisode 10, c'est parti. -27, c'est le score des New England Patriots face aux Chiefs pour ce match de Divisional. Un coup d'œil rapidement sur les statistiques. Les Chiefs font 370 yards versus 340. Temps de possession supérieur pour les Chiefs, 37 minutes versus 22. Au niveau des turnovers, 1 du côté des Chiefs. Au niveau des stats personnels, Brady finit avec une carte de 302 yards et 2 TD. En face, Alex Smith finit avec 246 et 1 TD. Au niveau des notes des QB, Brady finit avec une note de 86 et Alex Smith de 67. Jeu de course, Patriots, je n'en parle même pas vu qu'il a été inexistant. Du côté des Chiefs, Wes qui finit avec 61 yards notamment. Et le deuxième, c'est Alex Smith avec 44. Au niveau des réceptions, Edelman finit avec 100 yards, Gronkowski finit avec 83, 2 TD, Keshon Martin finit avec 57 yards, de l'autre côté, Jason Evans 69, Wilson 57 et McLean seulement 23. Alors messieurs, avant de rentrer dans l'analyse plus concrète de ce match, votre sentiment sur cette victoire des Patriots? Et on va commencer par Romain. La victoire, moi je l'ai trouvée, déjà c'est un bon signe puisqu'on était assez incertains tous la semaine dernière sur le résultat du match. J'ai trouvé, on en parlera tout à l'heure, assez rassurante. Finalement, on se rend compte qu'en ayant récupéré l'essentiel de nos joueurs, on est capable, notamment en attaque, d'avoir quelque chose d'assez cohérent, même si on n'a pas couru beaucoup, et on en reparlera. On est capable d'avoir quelque chose d'assez cohérent. On est vraiment allé déranger les Chiefs qui ont pourtant un secondaire, donc des safeties et des corners assez forts. On les a vraiment bougés et je trouve que ça, pour la suite, que ce soit Denver ou éventuellement le Super Bowl, c'est vraiment assez rassurant. Donc moi, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu dans ce match. Et toi, Gigi, qu'as-tu pensé? Alors, tout simplement rassuré, complètement rassuré par rapport au retour de joueurs qu'on attendait. Et on avait peur de cette défense des Chiefs, parce que bon, on savait que leur attaque était un petit peu affaiblie par rapport à leur blessure de leur match précédent. Et j'avais vraiment peur de leur défense. Et l'attaque a réussi à dérouler dès le premier quart-temps et à me rassurer directement. Donc, j'ai pas été déçu de ce match. Bon, il y a quelques petits points noirs qu'on abordera après, mais Ça n'entachera pas le match complètement, puisque bon, on a gagné, alors que beaucoup de monde pronostiquait la défaite, dont moi. Moi, mon Super Bowl, il était déjà affiché, et je l'avais affiché depuis le début de l'année, et pourtant, je me suis trompé, et tant mieux. Effectivement, c'est à se demander maintenant, il y a de belles promesses sur ce match de Divisional. Maintenant, est-ce que c'est aussi pas un passage à vide des Chiefs? On va en tout cas donner quelques éléments de réponse. Et notamment, la première question, la O-line, elle a quand même arrêté le pass rush des Chiefs. Alors, est-ce que cette O-line a montré de belles promesses? Il faut quand même souligner que la O-line des Patriots, c'est celle qui a montré le plus de combinaisons différentes dans toute la ligue. Ou alors, est-ce que c'est le pass rush des Chiefs qui a été vraiment affaibli? Et au final, c'est plutôt justement les Chiefs qui ont perdu ce match, notamment à cause du pass rush. Romain, ton avis là-dessus? Alors, déjà une stat un petit peu pour résumer ce qui s'est passé dans ce match. Zéro sac de la part des Chiefs. Je crois 4 ou 5 hurries. Donc autrement dit, Tom Brady a été assez peu dérangé au moment de faire des passes. Et heureusement, puisqu'on a, on l'a vu tout à l'heure, on a assez peu couru. Finalement, en fait, pour moi, c'est la combinaison de deux choses. C'était un, je crois que dans nos clés du match la semaine dernière, on avait parlé de Justin Houston et de son genou. Et il a joué, je crois, 7 ou 8 snaps. Donc, en gros, il était vraiment trop blessé pour participer. Et donc, ça avait vraiment posé problème parce que du coup, le pass rush était vraiment beaucoup moins opérant sans lui. Et deux, c'est que Brady a fait des passes vraiment très rapidement. Je crois que c'est 2-3 secondes maximum, plutôt 2 secondes et demie avant de lâcher la balle. Et ça, du coup, ça a permis justement à ce que la O-line ne soit pas trop mise sous pression tout de suite et à tout le monde de prendre confiance. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais surtout, je pense que dès le premier quart-temps, ils ont réussi à mettre un rythme qu'ils n'ont pas lâché jusqu'au quatrième, en fait. Quoi qu'il y ait eu une petite baisse en troisième, mais ils ont mis un rythme et ils ne l'ont pas lâché. Déjà direct, ils ont mis 11 passes d'affilée sans faire un seul jeu de course. Ça a surpris, je pense. Je pense que ça les a surpris. Et le fait que, tu vois, on est... Comme tu disais, on a tellement de combinaisons en ligne que je pense que les gens en face, ils sont... Quand ça marche, ils peuvent pas s'adapter. Et si ça marche pas du tout, il faut tout changer. Je pense que c'est ce que les coachs ont fait cette année, je pense. Et là, sur ce match, ça a fonctionné et on a réussi à bien garder Brady dans sa poche et qu'il puisse lancer vite. Et je pense que ouais, ça a joué beaucoup sur ce match. Ce qui a joué aussi beaucoup, c'est quand même Justin Houston qui était quand même assez affaibli, qui a énormément joué aussi, je pense, sur son comportement de la O-line. Après, vous avez parlé de Brady qui était plutôt tranquille. Je pense aussi que Brady libérait très rapidement sa passe. Alors... Oui, on a banni totalement le jeu de course, ça a été une certitude et on l'a vu dès le début du match qu'on a fait que passer. Mais est-ce que les Chiefs, au final, c'était pas les Chiefs qu'on attendait quand on en a parlé dans les clés du match justement, où on disait Tambali, Justin Houston, ça va être très compliqué. Et au final, très peu de RI où ça a été, finalement Brady a passé une soirée plutôt tranquille en fait. En fait, ce qui était assez paradoxal, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que finalement, leur meilleur pass rusher, c'est Dee Ford, qui est leur rookie, je crois qu'il est outside linebacker, et surtout, c'est un joueur qui est normalement remplaçant, qui joue derrière Houston, et c'est le seul qui, par moment, a un peu mis la panique dans cette O-line, qui sur 2-3 passages a réussi à vraiment aller déranger Brady, mais sinon, à part lui, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas du tout de pression, donc du coup, ils étaient obligés de tacler, de courir après le ballon. Et c'est vraiment New England qui a dicté le tempo presque tout le match, quoi. Ouais, mais il y a eu aussi le fait que les receveurs sont revenus. C'est-à-dire que ça a joué beaucoup. C'est-à-dire que si tu enlèves Edelman sur ce match, peut-être que Brady met plus de temps à lancer la balle, et donc plus de temps à se faire exposer, et peut-être plus de temps à se faire saquer, quoi. Plus de fois, plutôt. Je pense que ça, c'est un global qui fait que la O-line, elle a un peu plus performé que d'habitude. Et le retour des receveurs, ça a joué. Ça a joué pas mal et ça, c'est un espèce de petit tout qui a fait que Brady a pu lancer en 2 secondes 5 au lieu de 5 d'habitude, là, parce que les 3 derniers matchs, ça a été laborieux hein, sur ses passes. Mais voilà, c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que pour lâcher la balle rapidement, il faut qu'il y ait des joueurs qui soient libres à ce moment-là. Et Edelman, c'est vraiment un joueur qui est capable non seulement par le fait qu'il est rapide, il est assez shifty, et puis surtout c'est quelqu'un qui court des routes extrêmement diverses. Donc du coup on est capable de le rendre libre assez rapidement, alors que Gronk, il faut parfois un petit peu plus de temps pour que les jeux se développent, quoi. Ouais, enfin, il n'y a pas eu que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'Edelman, c'est-à-dire qu'avec Lafell qui faisait des courses beaucoup plus courtes, parce que j'ai trouvé qu'il a fait des courses vraiment plus courtes que d'habitude, Martin qui a fait des courses aussi courtes, White qui se libérait sur le côté, Amendola qui a fait son boulot comme d'habitude, ben franchement, mis à part Gronk qui faisait des longues réceptions, tout a été court, donc les passes, c'était des passes laser qui partaient direct, paf, hop, hop, hop. Et ça. Lafell a écouté Cédric, pas plus de 15 yards. C'est ça, mais ça fait, je crois, ça fait 2 mois qu'on lui dit. Ça fait 2 mois, même dans le podcast, qu'on dit la même chose chaque semaine qu'on dit Lafell, il faut qu'il arrête d'arriver en profondeur, tout au fond, c'est pas son boulot, il sait pas le faire, c'est comme ça. Là, il a fait des passes courtes, de maximum, il prenait 2, 3 yards, eh ben, ça passait et ça suffisait, et ça nous prenait le. Enfin, ça suffisait, quoi, c'est tout. Ouais, et puis moi, enfin, en complément de tout ça, je trouve aussi que, en tout cas, j'ai eu cette impression-là, qu'on a appelé des jeux qu'on n'avait peut-être pas encore appelés cette année. Je pense notamment, je crois, au deuxième touchdown de Gronk, où il fait une espèce d'énorme feinte, c'est-à-dire qu'il va tout droit sur 5 yards, il s'arrête, le corner s'arrête à ce moment-là, et là, il redémarre, et il se retrouve tout seul avec 5 yards d'un côté, 5 yards de l'autre, et il va marquer le touchdown assez facilement, finalement. C'est l'avantage d'une technique comme le stop and go qui marche quand le corner est pris dedans, c'est fini. C'est direct dans la end zone Et là, on l'a vu, là, vraiment, Ah, au ah ouais, moment où il non, a mais c'était. redémarré, il a créé un énorme écart, quoi. Et je pense pas que c'était juste une intention du joueur de recontinuer derrière. C'était écrit dans le playbook et ça, Ouais, je suis sûr. je pense que ça a été appelé, mais Ça a justement, été c'est quelque appelé, chose ouais. qu'on n'avait pas trop fait encore, en tout Non, cas c'est pas ces vrai. derniers temps. Mais on l'a pas trop fait parce que justement, on avait trop peu de receveurs pour le faire. C'est-à-dire que si tu es seul à le faire et que tu n'as rien d'autre, ben forcément, tu es la seule menace. Donc, ton but, c'est de suivre ton joueur et point barre. Tandis que là, il y avait plusieurs menaces et Edelman a vraiment libéré le Gronk, libéré Lafell et libéré Martin. Et Ouais. ça change la physionomie du match, en fait. Un joueur Complètement comme d'accord Edelman. avec toi. En fait, la présence d'Edelman, ça nous permet justement de faire des trucs un peu plus originaux, un peu différents avec Gronk, au lieu de le mettre au large comme un wide receiver tout le temps, ce qui était du coup un peu stéréotypé quand Edelman était blessé. Du coup, C'est ça. Gronk était moins efficace à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et une attaque au final qui a été d'une efficacité nette quoi. Donc avec on en a parlé, Delman qui a fait quelques drops en début de match mais le temps de retrouver le rythme, Amendola, ils ont tous été efficaces les uns par rapport aux autres. On a retrouvé ce jeu de passe courte qui justement permet d'éviter cette pression du pass rush qui pourrait y avoir et de lancer la balle très rapidement. Alors on va pas aborder la décision de refuser totalement jeu de course. On en parlera en deuxième partie d'émission quand on évoquera ce match face aux Broncos où là, peut-être qu'il va falloir reparler du jeu de course. Mais face aux Chiefs, au final, ça a été un match maîtrisé dans l'ensemble, une efficacité globale, même sur les third down où ça a été plutôt efficace. Donc non, un match solide de s'attaque dans son ensemble, que ce soit la O-line, que ce soit les receveurs, voilà. Ça a ronronné tranquillement, ça a fait le boulot du début jusqu'à la fin sans prendre de risques. Et au final, c'est ce qu'on leur demandait, efficace, tout pour éviter justement des interceptions, des turnovers créés par les corners ou subir du pass rush qu'il aurait pu avoir. Comme tu dis, en fait, le sentiment général, c'est que même s'il n'y a pas finalement un écart énorme, on les a jamais sentis vraiment en danger, quoi. Non, c'est vrai, on les a jamais sentis en danger, mais je suis quand même un petit peu sceptique sur le fait, tu vois, qu'on ait laissé quand même que on leur a laissé 20 points. Et je me dis que la physionomie du match aurait pu être différente au moindre turnover, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si dans le troisième quart-temps ou début du quatrième, on se serait pris un turnover, à tout moment, hein, c'est-à-dire un fumble ou n'importe quoi, tu vois. Pas vraiment un sac, mais plutôt un fumble ou vraiment une interception. Je pense que la physionomie du match aurait été différente complet. Et je pense que les Chiefs n'auraient pas loupé leur fin de quatrième quart-temps. Parce que franchement, les Chiefs, sur les 5 dernières minutes, il y avait un bouton off, ils ont appuyé dessus. Hein. On va en parler dans quelques minutes. Mais pour en revenir, effectivement, On a joué avec nos forces, en fait, tout simplement. Notre force, c'est quoi? Ben, c'est le rushing, ben, il n'a jamais été bon de toute la saison, donc on va le mettre de côté. On a des joueurs qui savent courir de courtes distances, qui savent être capables de rattraper des ballons dans la zone, que ce soit Lafen, Edelman, Amendola, Gronk, qui est même capable de temps en temps d'aller chercher même un peu plus loin en termes de distance. On les a tous fait jouer. Même Keshawn Martin, il a été bon. James Wright, pareil. Voilà, on a joué sur nos forces dans la qualité des joueurs, je dirais. Donc... Et puis on le voit, c'est pour ça que Gronk a 2 touchdowns, c'est qu'en fait, on se rend compte que pendant tout le match, ils lui ont mis plusieurs défenseurs différents en face et ils n'ont jamais trouvé le bon joueur à mettre pour vraiment stopper Gronk. Ils ont essayé Sean Smith, ils ont essayé un tout petit peu Peters avec un safety et à aucun moment ça marchait. Et donc c'est vrai que là-dessus, notamment quand on était dans la red zone, on a vraiment... Bill a pas cherché à être trop original, il a vraiment insisté sur ce qui marchait et je pense que c'était la bonne formule pour ce match. Exactement, être efficace. Alors Gigi, t'en parlais justement des Chiefs et qui avaient marqué une vingtaine de points. Alors les Chiefs, justement, on se pose la question, est-ce que cette attaque ne méritait pas mieux parce qu'on attendait du jeu de course et au final les Chiefs, eh ben ils ont joué qu'à la passe. Et puis aussi, tu en as parlé... Le quatrième quart-temps, un drive de 6 minutes en fin de quatrième quart-temps. Au final, cette défense qui, quand même, des Patriots encaisse 20 points sur un attaque des Chiefs qui a été peu inspirée. Alors, on va commencer d'abord par les Chiefs. Messieurs, cette attaque des Chiefs, elle a été un peu à l'image d'Andy Reid, fébrile. Ouais, ce qui était très surprenant, c'est... Enfin, j'ai pas le souvenir cette année d'avoir vu Alex Smith lancer 50 fois. À part la semaine dernière, justement. Je les ai jamais vus lancer autant. C'était assez surprenant. J'ai pas bien compris le pourquoi. Parce que quand on regarde, Charkendrick West a 17 portées pour 61 yards. Donc, c'est plutôt une bonne moyenne. Mais ils n'ont pas vraiment insisté là-dessus. On a même l'impression que dès lors que Nile Davis a fait son fumble, ils se sont complètement arrêtés, quoi. Et ils n'ont plus fait que des passes. Donc, on va y venir un tout petit peu après, mais je pense que c'est aussi une conséquence du fait qu'à mon avis, à un moment donné, Andy Reid a complètement paniqué. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur le mental. C'est, je pense qu'à un moment donné, on est rentré dans leur tête et ça a influé leur manière d'appeler les jeux. Ouais, complètement d'accord. Il n'y a pas eu que ça aussi. J'ai remarqué que sur le match précédent des Chiefs, ils ont gagné comme ça. Ils se sont dit, on reste sur cette longueur, on ne change rien. Peut-être que ça fonctionnera contre les Patriots. Et je pense que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait à un moment donné varier le jeu. Ils l'ont pas fait. Nous, on peut le faire parce que c'est notre force. Mais eux, ce n'est pas leur force. Leur force, c'est plus du trick play, à faire des pitchs sur le côté, avec des courses un peu plus cachées, tu vois. Et ils ne l'ont pas fait. Et justement, c'est notre vraie faiblesse. Parce que si tu fais des pitchs toute la soirée, eh ben, je peux te dire que nous, on s'en prend plus des points dans la tête. Alors justement, t'as parlé, Romain, Andy Reid. Il nous a offert un beau cadeau, le coach des Chiefs, parce qu'il a été pas très bon. Ouais, vous avez entendu l'explication après le match, c'était assez hallucinant. C'était, oui, alors on a fait un drive de 5 ou 6 minutes parce qu'on voulait pas que Brady récupère la balle. Bah ouais, mais vous avez 2 scores de retard, donc à un moment donné, il faut marquer, quoi. C'était assez bizarre. On n'a pas bien compris, même avec le recul, ce qu'ils essayaient de faire. Bah, c'est-à-dire que moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est pourquoi ils ont fait un onside kick. Ils avaient le temps complètement de renvoyer la balle et de la récupérer. Ils avaient le temps, le temps était là. Ils n'ont pas envoyé, ils ont essayé un onside kick qui a servi à que dalle parce qu'on l'a récupéré grâce à Gronk. Je pense que s'ils avaient fait avant, ils avaient réfléchi un peu plus avant et ils avaient joué un peu mieux avant, je pense que leur dernier drive, ils auraient pu en avoir un deuxième. Et on n'était qu'à 7 points de différence. Et je pense que sur une Hail Mary à la fin, ça aurait pu se jouer en OT et après voir sur l'OT. Bon, peut-être que le résultat final aurait été le même, c'est-à-dire qu'on aurait gagné, mais la physionomie du match de fin n'aurait pas été la même. Et je pense que ouais, c'est clairement de la panique et on est clairement rentré dans leur tête et ils n'ont pas su quoi faire sur le dernier drive et on les a complètement éteints et ils se sont complètement éteints. Alors après, avec tout le respect que j'ai pour Andy Reid, c'est pas non plus un entraîneur qui est connu pour prendre des risques, pour pour sortir des choses différentes. Et c'est plutôt quelqu'un qui est très conservateur, qui est fébrile, qui voilà, qui veut pas prendre de risques. C'est pas non plus un super coach. Enfin, on dirait que t'es pas très bon comme coach, t'es pas capable d'amener loin. Et puis Alex Smith, c'est pas un joueur clutch au possible. C'est un gestionnaire. Ouais, mais à un moment donné, tu te dis, enfin, je fais la même analyse que Jean-Jacques. À un moment donné, tu te dis, le seul moyen de gagner le match, d'avoir une chance en tout cas de le gagner, c'est de faire un drive relativement rapide, de faire une remise en jeu normale, un stop et de refaire un drive. Si tu fais un premier drive qui dure 6 minutes, c'est fini. Enfin, il faut un miracle pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où je pense qu'Andy Reid. Enfin, ça a toujours été le cas, mais ça s'est encore illustré ce coup-ci. C'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'horloge dans les fins de match. Et est-ce qu'à un moment donné, l'année prochaine, il ne faut pas qu'il lui mette, un assistant qui s'occuperait de ça? On a déjà vu ça dans d'autres équipes, mais en tout cas, là, c'est vraiment problématique. Attends, tu parles d'Andy Reid. Moi, je vais même sur Alex, je parle d'Andy Reid et d'Alex Smith. Sur les 15 premiers jeux, soi-disant, c'était crypté. Les deux premiers drives des Chiefs, c'était crypté. Alors, comment c'est possible qu'Alex Smith prenne deux temps morts à ce moment-là, si c'est crypté? La panique dans la défense. C'est-à-dire qu'on leur a mis la pression. On leur a mis la pression directe. C'est-à-dire que même si c'est crypté, forcément, tu t'adaptes quand même un minimum à la défense en face. Tu ne peux pas faire quelque chose en te disant tiens, je vais faire une course plein centre alors qu'il y a huit linebackers. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de changer, de faire des audibles et tout. C'est crypté, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu peux pas. Il faut s'adapter quand même à la défense en face. Et je pense que Bill, il a bien géré le début de match, mais direct, que ce soit en attaque et en défense. En défense, il les a fait vraiment, vraiment tourner en bourrique. Et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de passes, qu'ils paniquaient, ils se demandaient qu'est-ce que je fais, où je vais, et ça les a stoppés. Et on les a empêchés de mettre un rythme. Et c'est ça, je pense, qui a joué sur tout le match après sur le mental, je pense. Je pense que c'est on les a hachés de plus en plus fort, jusqu'à la fin où ils ont craqué. Et là, on est rentré complètement dans leur tête et ils ont fait n'importe quoi. Et je pense que ouais, comme tu dis, à la fin. Quand le coach il fait ses appels de jeu, il aurait dû vraiment vraiment plus réfléchir à ce qu'il fait et on aurait dû mieux le conseiller. Mais comme le coach c'est le coach et voilà, c'est normalement on écoute le coach. Mais je pense qu'il y a des gens qui auraient dû prendre des décisions à sa place à un moment donné. On descend un peu les chiffres sur leurs décisions, mais au final les Patriots ils ont quand même pris 20 points face à ces Chiefs qui au final n'était pas non plus extraordinaire en attaque. 20 points, c'est que ça reste quand même un bon score. Alors, on a vu surtout quelques errements, notamment au niveau, on va revenir toujours au même point, au niveau de la défense aérienne, où, c'était pas non plus, on n'a pas montré des signes d'autorité ou de sérénité. On a eu quelques trous béants, des fois. Alors, je reparlerai d'un mettre un peu des flops, mais un Butler n'a pas été extraordinaire. Ryan, j'en parle même pas, c'est le gars de Ryan. Mais voilà, c'est des petites choses qu'il faudra sûrement faire attention. Il faudra jouer bien différemment sur la finale de conférence. Ouais, ça a toujours été notre petite faiblesse. C'est-à-dire que les corners et les safeties, ça a toujours été notre petite faiblesse. C'est vrai que je les ai trouvés un peu moins bons sur ce match-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé McCourty plus lent. Je l'ai trouvé tout en retard. Butler, bon, je l'ai trouvé présent, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de playmaker en disant voilà, on vous a arrêté à l'aérien, voilà, vous avez rien fait. C'est juste que c'est un global qui a fait qu'ils n'ont pas pu avancer, mais c'est vrai que ouais, on n'a pas été exceptionnel niveau des passes de la couverture, quoi. Ouais, je vais défendre un tout petit peu l'équipe. Moi, je pense qu'il y a quand même deux trucs qu'on sous-estime. C'est déjà, un, on a quand même très bien limité Kelsey, qui était quand même le danger numéro un avec la blessure de McLean dans le jeu de passe. Donc ça, c'est quand même un truc qu'on a bien su faire. Et deuxième point, je pense que quand on regarde un peu le match, la plupart des big plays sont quand même issus de receveurs qui sont d'habitude les 2, 3, 4e options. Je pense à Albert Wilson et je pense à Jason Avant. Déjà avant, il fait deux ou trois réceptions qui sont assez folles. Enfin, c'est assez bien défendu. Notamment, je pense à une sur Butler. Butler a quasiment la main sur lui. Avant, va faire un grab en tombant. Enfin, ça, on peut pas vraiment lui reprocher. Et deux, je pense que Bill avait vraiment peur de l'attaque au sol de Kansas City. Et je pense que le fait que, notamment, que McCourty soit un peu en retard sur pas mal de jeux, c'est peut-être parce que sa consigne, c'était avant tout de surveiller le run et après de venir en soutien sur éventuellement des jeux de passe. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété, en tout cas. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais tu vois, sur le truc, comme tu dis, de McLean qui était pas présent, c'est vrai que sa blessure, ça a joué beaucoup. Mais on lui a quand même laissé quand même un petit peu de yard, quand même. Pour un type qui est blessé, qui normalement aurait même pas dû jouer, je pense. Parce que bon, il était clairement blessé. Et ça a mis en avant, comme tu dis, Avant et Wilson, qui eux, on n'a pas réussi à les museler vraiment comme il faut, tu vois. Alors que c'est juste des deuxièmes couteaux, quoi. Au final, voire même troisième. Ouais, mais je pense qu'il y avait, on saura C'est-à-dire que... jamais, mais je pense qu'il y avait vraiment une stratégie qui consiste à dire, bah, s'ils veulent nous battre, ils ont qu'à essayer de nous battre avec Avant et Wilson, Ouais. et à la rigueur, on sacrifie ça pour pouvoir stopper le run et Kelsey, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais alors au final, les receveurs de Kansas, donc. Eh ben, c'est sur leur lacune qu'ils ont perdu, en fait. Parce que si tu as un McLean un peu plus en forme et un Smith qui envoie comme il l'a envoyé, pas trop trop mal non plus. Enfin, il a été bien sur certains moments. Je pense qu'on aurait pu prendre plus cher alors, au Ouais, final. mais à l'inverse, tu regardes que le calcul de Bill était bon au final, puisque sur les quelques jeux où ils ont vraiment besoin, sur les troisième, quatrième tentatives, notamment dans les derniers drives où ils ont besoin de faire des yards, bah, ils essayent de trouver pareil Avant et Wilson. Je crois Wilson les deux fois, Ouais, Wilson et surtout. Wilson n'arrive pas à faire le jeu. Et au final, c'est qu'on avait bien calculé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur les jeux un peu clés, il a ajusté sa défense juste suffisamment pour qu'on les arrête. Wilson a eu plus de balles, il me semble, mais Ouais. on a droppé un bon petit paquet, je crois qu'il en a droppé 3 ou 4. Mais c'est vrai qu'avant, il a eu un average un peu plus supérieur. Sur, euh, il en a, je crois qu'il en a eu, il a trois, il a quatre, quatre sur, euh, 4 sur 5, je crois. Et je pense que s'ils auraient un peu plus appuyé sur Avant et s'ils auraient eu un McLean en forme, on aurait pris un peu plus cher, je pense. Mais bon, je pense que Bill l'a compris, a vu que McLean n'était pas en forme, que les big plays ne pouvaient plus en faire, enfin, pas sur ce match en tout cas, et que ça servait à rien de le museler comme on muselerait un Gronk. Et voilà, et je pense que ouais. Ça a été une de leurs faiblesses après, je pense. Alors pour terminer cette analyse du Divisional, nous on va passer donc à l'habituel top et flop. Alors messieurs, votre top et votre flop sur ce match. Romain. Alors mon top, bah, c'est Julian Edelman. On l'a dit tout à l'heure, pourquoi? Parce que bah, son retour nous permet de faire tout le reste en attaque. C'est lui qui libère un peu Gronk, c'est lui qui donne un peu de variété à notre jeu. Donc j'ai vraiment été bah, très content de son match, pas rouillé, vraiment bah, le joueur dont on avait besoin pour passer ce tour. Alors, je vais pas être très très original. Enfin, moi j'en ai deux, top, mais je vais pas être très original. Le retour d'Edelman, forcément, on le voit, ça transcende l'équipe. C'est bizarre, hein. C'est dire qu'un seul joueur peut changer toute une attaque. Ben oui, c'est effectivement le cas, quoi. Tu nous rajoutes un slot, et ben forcément, ça roule. Tu rajoutes l'engrenage qu'il faut, et voilà, ça déroule. Et ensuite, je vais féliciter quand même un petit peu la Special Team, qui n'a pas été dégueu. Ça fait plusieurs semaines qu'on crache un peu dessus, qu'on n'est pas trop content. Et là, ça a été correct. Donc, ils ont retrouvé un petit peu ce qu'il fallait. Après, à voir sur la suite. Mais oui, moi je pense que ça fait partie d'un petit top. Ouais. Ben moi, mon top, ça va être. Je disais que c'était une des clés du match sur ce divisional. Ben, je vais dire Tom Brady parce qu'il a été sobre, efficace. Il n'a pas cherché à faire de chichi, à chercher des lafait longue distance ou quoi que ce soit. Il a cherché les joueurs libres, à courte, voilà, sur les bonnes courses, à appeler les bons jeux. Donc voilà, mon top, tout simplement, ben, Tom qui a été propre, qui a été correct. Et top tel qu'on le connaît, efficace. Alors messieurs, votre flop concernant ce match. Gigi. Alors moi, je vais dire que les flops, il n'y en a pas eu vraiment des gros flops, en fait, parce qu'il n'y a rien eu de mauvais ou de moche dans le jeu, en fait. Je vais dire mon flop, mon plus grand flop, ça serait peut-être l'écart de points. C'est-à-dire qu'on a gagné que de 7 points, même si on a toujours été rassuré dans le jeu. Ça serait peut-être un flop, mais bon, comme on a gagné, ça ne change pas grand-chose. Et peut-être aussi, c'est pas un flop non plus, mais le jeu de course, je pense qu'il en aurait fallu un petit peu. Et il n'y en a pas eu du tout, du tout. Je pense que ça peut nous porter préjudice plus tard, pour le prochain match. Même de ton côté ? Même analyse, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros, gros flop. Je vais aller le chercher en face, je vais briser un peu les règles, je vais aller le chercher en face. Je pense que c'est vraiment, pour moi, ce qui m'a déçu, c'est la secondaire de Kansas City qu'on nous présentait, et à juste titre, hein, comme peut-être la meilleure de la ligue. Et je pense notamment aux deux corners, et je ne les ai vraiment pas trouvés au niveau sur ce match. Ah, sur ça, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, la meilleure de la ligue, je ne suis pas trop d'accord. Je préfère encore celle des Cardinals, qui est vachement un peu plus au-dessus, quand même, je pense. Enfin, sur le général de la ligue. Hein. Après, ah, il y a aussi un petit flop, ouais, peut-être le petit contact d'Amendola sur la special team qui était vraiment vicelard et j'ai pas trouvé ça cool, quoi. Enfin, voilà. Petit contact, ouais. Petit contact. Tout petit alors. Voilà, c'est pas vraiment un flop parce que bon, ça m'a fait plaisir de voir le contact, mais je me suis dit, ah, c'est vicelard quand même, c'est pas notre style. Voilà. Du c'est coup, juste ça, il est suspendu finalement. J'ai cru comprendre qu'il allait être suspendu. Alors, je sais pas du tout. J'ai pas pour eu de retour. Alors on enregistre, en tout cas, on n'a pas d'informations sur une éventuelle suspension. Je pense qu'il va être suspendu, mais je ne sais pas si ce sera effectif pour les playoffs. Okay. Mais ouais, je pense que oui, une suspension, il mérite. Je pense qu'un match de suspension, je pense que ou une grosse amende, je pense que ouais, ça serait. En tout cas, c'était en discussion. Je pense que c'est pas encore tombé, mais. Ouais, mais je pense qu'une grosse amende serait plus logique, mais oui, je. Je pense que oui, il va se prendre quelque chose. Je le pense aussi. Alors moi, concernant mon flop, eh ben, on en a parlé aussi pendant l'été du match, c'est ce manque de turnover. Alex Smith lance une cinquantaine de passes, on fait turnover 0. Là, ça manque un tout petit peu. On manque quand même d'une menace en disant cette défense est capable de créer des turnovers. Au final, là, on fait 0 face à Alex Smith à plus de 50 passes, qui n'a pas l'habitude de lancer 50 passes dans le match. C'est la première fois de la saison. Je m'attendais un tout petit peu plus des corners. Butler, qui n'a pas été très très bon, qui a laissé pas mal d'adresse à ses receveurs, on attendait au moins un turnover de sa part. Ou Logan Ryan, même s'il concerne effectivement d'énormes dégâts assez importants, au moins il aurait pu s'écrire une interception. C'est ce qui manque qui a manqué aussi de moi, surtout dans ce match, c'est me dire, voilà, quand même, un Alex Smith qui lance 50 passes, un petit turnover, un ou deux, ça n'aurait pas fait de mal. C'est vrai. Bah écoutez, merci messieurs pour l'analyse de ce Divisional. Et nous, on passe tout de suite à la deuxième partie, la finale de conférence. On va vous donner les clés du match. La finale de conférence qui va dérouler dimanche soir à 21h va nous offrir un dernier tango, une dernière danse, un dernier duel probablement entre Brady et Manning, qui est le symbole de cette affiche entre les Denver Broncos et les New England Patriots. Dans cette partie, nous allons évidemment aborder quelques clés du match pour mieux aborder cette finale de conférence, mais avant toute chose, comme j'en ai parlé en préambule, C'est le dernier duel entre Brady et Manning. Alors, c'est quoi ce duel? Bah, c'est le Oma de Manning face au White 80 de Tom Brady. C'est un QB qui adore jouer en salle versus un QB qui préfère jouer en extérieur dans le froid. C'est un duel de partout en playoff. C'est 54 drive de la victoire pour Manning versus 39 pour Tom Brady. C'est plein d'autres choses. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire le très bon article d'ESPN là-dessus sur la rivalité historique entre Brady et Manning. Alors, messieurs, potentiellement le dernier duel entre ces deux futurs Hall of Fame quarterbacks, qu'est-ce que cela vous inspire? Romain. Alors, bah, deux choses. Déjà, un, bah, je vais confirmer ton premier point, c'est-à-dire que je pense que ça sera, sauf très grosse surprise, le dernier duel, parce que je pense que physiquement, Manning est vraiment au bout de la route. Alors là, cette année, il a entre guillemets eu la chance d'avoir une blessure en milieu de saison, ce qui lui a permis de se reposer un petit peu. Mais on voit bien, et on l'a vu dans le match contre Pittsburgh cette semaine, que physiquement, c'était quand même pas ça, des ballons que je qualifierais de mous, pour être gentil. Les ballons que toi ou moi on peut lancer dans notre jardin. Sinon, après, sur la rivalité historique, pour moi, il y a une grande différence. Je pense que dans l'histoire, c'est un peu cette différence qu'on gardera. C'est que c'est probablement d'un côté le meilleur quarterback de l'histoire en saison régulière, Peyton Manning, et à l'inverse, un quarterback qui a peut-être de moins bonnes stats en saison, mais par contre qui a la réputation peut-être d'être le meilleur quarterback clutch de l'histoire. Et qui a quatre titres contre un seul pour Peyton Manning, et c'est Tom Brady. Ouais, c'est vrai, c'est tout ça. C'est le duel, c'est peut-être pas le dernier. Tout dépendra de la physionomie de ce match. C'est-à-dire que je pense que Manning, il arrêtera quand il se fera exploser sur le terrain, je pense. Et c'est possible que l'année prochaine, ben, il joue encore et qu'il arrive au playoff et qu'on ait encore une dernière confrontation entre les deux, mais même si j'y crois pas trop. Mais ça ne sera pas sa dernière saison, même s'il gagne ou s'il gagne, par contre, là, ça sera peut-être sa dernière saison. Il arrêtera sur le Super Bowl. Mais bon, probabilité que ça arrive, je dirais que ça n'arrivera pas. Parce que, comme tu dis, avec ses passes trop faibles, ça sera pas possible, je pense. C'est vrai que Brady est supérieur au playoff. Il a prouvé maintes et maintes fois. Même si ça fait 2-2 dans leur match. C'est arrivé dans des matchs où c'était peut-être pas le moment, voilà. Mais ouais, sur la rivalité, je pense que c'est la même rivalité qu'on avait à l'époque sur entre Marino et mince. Ah, le nom m'est sorti de la tête, ça y est, c'est Joe parti. Montana. Et Montana, voilà. C'est-à-dire que Marino méritait plus de bagues. Et pourtant, voilà, c'est ce qui s'est passé. Marino, on en a eu plus. Et Ouais, voilà. avec une petite différence, enfin, si je peux me permettre, c'est que Marino, le problème, c'est qu'il était très mal entouré, enfin, assez souvent, mais il était vraiment fort. Manning, le problème, c'est qu'il s'est souvent effondré en playoff, et des fois avec des très bonnes équipes. Et si on y revient, le seul Super Bowl qui gagne, c'est pas vraiment lui qui le gagne, c'est de mémoire, c'est Bob Sanders qui fait un énorme match, alors que Manning est très très moyen. C'est vrai. C'est le symbole quand on parle du duel depuis ces dernières années entre effectivement les Patriots et les Broncos. C'est ce qui cristallise ces rencontres à chaque fois. C'est le duel entre Brady et Manning. C'est, comme tu as dit, Gigi, c'est un des meilleurs QB en saison régulière face à un des, si ce n'est même le meilleur QB de l'histoire de la NFL et un des meilleurs joueurs de la NFL tout court. Nombreux, on va pas rappeler hein, le parcours de Tom ni celui de Manning, hein, tout le monde le connaît. Donc effectivement, de les voir peut-être, selon comme se déroule le match, dans un dernier duel, que l'on espère pour entre guillemets, la beauté du sport, la beauté de la NFL, qu'il soit somptueux. Après, si on est supporter des Patriots, on espère que Manning passera au travers, ou en tout cas qu'il garde le même niveau qu'il l'avait. Qu'il a ces derniers temps, mais voilà, c'est tout un duel des oppositions, quatre oppositions en playoffs. Si c'est le dernier duel, lequel des deux prendra le pas sur l'autre? Parce que je vous le rappelle qu'à date, au niveau des playoffs, ils sont à deux partout. J'ai parlé du temps à l'extérieur, il va faire froid, qui est plutôt à l'avantage de Tom, même si on est en altitude, on est à Denver, on est à domicile pour Manning. Voilà, c'est Manning qui a un peu plus de difficultés en playoffs. C'est plein de choses, c'est un des beaux duels de l'histoire de la NFL. Et de ce côté-là, je pense qu'on va se régaler. Et voilà, de les voir s'affronter potentiellement une dernière fois tous les deux, ça fait partie de ce. Ça apporte une saveur particulière sur cette finale de conférence. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que ça fait un peu match papy vétéran qui se rencontre pour la dernière fois, peut-être, et qui les départage un peu à la Rocky Apollo Creed. contre Apollo Creed, tu sais, dans le dernier match, ça fait match nul, tu sais, ils se rencontrent et voilà, et on voit ce que ça donne à huis clos. Bon, là, ça sera pas à huis clos, mais voilà, c'est un peu le, on départage. Voilà, c'est le dernier match et on départage, on voit ce que ça donne et on verra, hein. On verra bien sur ce match. Non, mais on verra bien comment tout ça va se dérouler. Et puis on espère que les deux vétérans vont nous offrir un beau match. Et en tout cas, qu'ils fassent honneur à leur immense talent. Alors, on a parlé de Manning, notamment sur ses dernières performances. Alors, messieurs, est-ce que le niveau de Manning n'est pas le facteur X de ce match? Parce qu'on connaît notre faiblesse au niveau des corners, c'est à créer des turnovers et la défense sur les bons wide receivers. Alors, on va parler pêle-mêle effectivement du duel Logan Ryan et Marius Thomas et de l'autre côté du duel Malcolm Butler-Sanders. Il faut rappeler sur le match de saison régulière, Logan Ryan avait fait un très beau match sur Demaryius Thomas, sauf qu'en face, c'était Osweiler et ce n'était pas Manning. Alors, messieurs, pour vous, le facteur X, est-ce que c'est tout simplement le niveau de Manning? Oui. oui et non. C'est-à-dire que il faut aussi penser qu'il n'y a pas que Manning, il y a aussi les cornerbacks. Et si jamais ils se plantent, même si c'est des passes molles, elles iront au bout. Donc je pense que c'est un mix des deux. C'est-à-dire quoi, si Manning fait ses petites passes molles comme il a l'habitude de faire depuis quelques matchs, depuis cette année plutôt, même un peu l'année dernière aussi. Et si c'est trop mou, eh ben, ça va être du pain béni pour Butler, qui est tout le temps collé à ses receveurs. Et il suffira qu'il se retourne et qu'il lève la main pour à chaque fois déflecter la balle, ou alors l'intercepter, ça serait vraiment magnifique. Mais ouais, je pense que ça sera c'est la clé du match principal, je pense, ouais. Le duel entre Manning et nos cornerbacks. Ouais, pour répondre à la question, moi je pense que en fait la référence pour Manning, c'est le match contre Green Bay cette année. C'est le seul match où ils font, je crois, une trentaine de points. C'est le seul match où il est vraiment bon, où il score, où il fait des passes qui ont vraiment du jus. La question, c'est du coup, est-ce qu'il peut revenir à ce niveau-là le temps d'un match? Moi, je suis extrêmement sceptique là-dessus. Par ailleurs. Sur le rôle des cornerbacks, moi je pense qu'on va faire un petit peu comme on avait fait contre Texas par exemple, c'est-à-dire que le numéro 1 c'est Ryan qui va l'avoir, donc Demaryius Thomas, Ryan qui va l'avoir avec un safety help derrière, et à l'inverse Butler prend le numéro 2 qui est Emmanuel Sanders en 1 contre 1. Et effectivement, je pense que s'il nous envoie des passes toutes molles sur nos corners, effectivement, ça augmente beaucoup nos chances de créer des turnovers. Après, la vraie question, c'est comment dire, à quel point on est capable de mettre la pression sur cette O-line et à quel point on est capable de déranger Manning, sachant que déjà à la base, c'est une mécanique vraiment qui est extrêmement fragile puisque on l'a dit, il est en bout de course. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que justement, la O-line, c'est pas leur comment dire, c'est pas leur grande force à Denver. Et on voit que la semaine dernière contre Pittsburgh, il a quand même été assez gêné contre une défense qui est à la base très moyenne. Alors, on va continuer sur la suite et parler du factory de ce match. Évidemment, il fallait qu'il soit là aussi dans cette émission pour parler de ce dernier duel entre Brady et Manning. C'est notamment celui qui a une naissance illimitée au niveau des Patriots. J'ai nommé le président. Bonsoir, président. Salut les gars, salut tout le monde. Le psychopathe partout toujours. Bonsoir, président, et merci d'intervenir dans ce podcast. Merci à toi de me recevoir. Alors, la question que j'ai posée à mes invités il y a quelques minutes, pour toi, le duel Brady Manning, qui est peut-être le dernier, ça te fait penser à quoi? Ah, c'est forcément le dernier. Alors, moi, ça me fait penser à un certain match de janvier 2007, où je m'étais déplacé à Indianapolis et où j'étais allé voir les Colts contre les Patriots. Et où les Pats gagnaient de 15 points à la mi-temps, facile, j'étais sûr de moi, je fanfaronnais dans le stade des Colts, au milieu de tous ces fans bleus et blancs. Je gueulais avec un autre ami du fan club, Let's go Pats, et il nous regardait méchamment. Et à la fin, ben, les Colts ils sont allés au Super Bowl et les Patriots avaient perdu. Voilà ce que ça me rappelle en tout premier lieu. Ce à quoi ça me fait penser plus d'actualité, on va dire, c'est la fin du jeu de Manning et du jeu qui a quand même dominé, alors avec Brady bien sûr, mais la NFL ces 15 dernières années. Là, je pense qu'on est au bout du bout. Je trouve ça, même si j'ai jamais aimé Manning, j'ai toujours critiqué ce joueur parce que c'est la rivalité. J'ai toujours quand même respecté ce joueur et je trouve que ce match, bah, il arrive au bon moment. Ça va être un beau match, même si Manning n'est plus ce qu'il était. Je trouve que c'est un super 17e affrontement. Par contre, il faudra faire gaffe parce que en playoff, je crois qu'ils sont à 2-2, Brady contre Manning. Et par contre, Manning, il mène 2-0 dans les dernières confrontations, quoi. Donc voilà, il est vieux, il est blessé, il est fatigué, mais il faudra faire gaffe. Voilà ce que j'en pense. Justement, on parlait un peu de... Il faudra faire attention. Et tout simplement, est-ce que ça sera pas à nos corners de jouer et de faire des turnovers? Alors oui, la clé T'es pour moi, c'est les arrivé pile turnovers. poil quand on parlait de Logan Ryan, hein, président. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Je note. Est-ce réellement un hasard? Écoute, moi, je mettrai pas de pression sur Logan Ryan. Je pense qu'il a son mot à dire, tout comme Butler. Je pense que les turnovers, ils vont plutôt, s'il doit y en avoir, alors j'espère qu'il y en aura plein et qu'ils seront pour nous, mais si je pense qu'il y en a, je les vois plus au sol. Parce que je vois plus les Broncos courir, bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez dit avant, hein. Je ne sais pas si je vais dans votre sens. Tout à fait, Ouais, mais c'est ce que vous avez dit. Voilà, non, pas encore, mais on on va va y en venir parler, voilà. justement On va parler. en parler. Je les vois beaucoup courir. Bah, tout simplement parce que Manning, bah, il est plus celui qu'il était. Donc, ils vont jouer au sol. Ils auront un jeu de course qui est intéressant. Donc, je pense qu'avec notre corps de linebacker et tout notre front seven, on a moyen de leur faire lâcher un ou deux ballons. Par contre, Ouais, il 31 faudra. courses la semaine dernière. Ouais, voilà, il faudra compter là-dessus. On verra, on verra. Alors, ben, justement, t'en as parlé, président. Le jeu de course des Broncos, au final, maintenant, cette équipe, ben, c'est ça leur principale force. Alors, messieurs, Gigi, alors, que faut-il pour les Patriots pour arrêter ce jeu de course? Ah, il faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait au premier match contre eux, en fait. C'est-à-dire qu'on a trop laissé leur rusher libre. Et je pense que ça va venir déjà de nos linebackers, même si ça va être difficile, parce que avec y a Mayo qui est plus là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, Tout à fait. ça fait déjà un petit trou. J'espère que Hightower, Collins et peut-être aussi avec la petite news qu'on a eue cette semaine de ce sauvetage dans la voiture en feu de Fleming, c'est ça? Voilà, je pense C'est que ça ça. va peut-être faire ce petit trio peut-être va faire quelque chose. Après, faut voir s'il joue déjà. Mais ouais, je pense que ouais, c'est notre front seven qui doit l'arrêter quoi. Que ça soit Anderson ou un autre. Hein. On l'a vu face au Chief, au final, on n'a pas pu réellement évaluer le niveau de ce front seven face à des coureurs extrêmement performants. Alors là, effectivement, hein, que ce soit Ronnie Hillman ou que ce soit CJ Anderson, de toute façon, face à Manny, qui est plutôt sur la pente descendante, qui est plutôt un niveau plus faible, c'est sûr qu'ils vont énormément miser sur le jeu de course et que ça va être un des points clés pour le niveau des Patriots. Romain, justement, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Bah, effectivement, la priorité, c'est vraiment d'arrêter la course, puisqu'on se rend bien compte que le jeu de passe de Denver, c'est pas ça. La O-line de Denver est très moyenne. C'est pas catastrophique, mais c'est clairement pas une des meilleures de la ligue. Donc, je pense qu'on peut leur mettre une grosse pression. Moi, je vois bien attaquer le match avec quelques blitz bien sentis à des moments importants pour un petit peu mettre Manning un peu sous pression et Je obliger suis Denver à entièrement douter. d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Romain. Je pense que des blitz, on va en avoir énormément dès le début. Ils vont mettre la pression. Je les vois bien faire ça. Ouais, mais je compte sur Chandler Jones et sa potion magique pour. Il y a Clair. Alors, on en parlera un tout petit peu à la fin du match. Je vous demanderai de quel sera votre joueur clé pour cette rencontre. Mais justement, est-ce qu'un de ces éléments importants pour freiner ce jeu de course ne sera pas notre rookie, Malcolm Brown, qui va devoir justement empêcher que les trous se créent dans notre ligne offensive, président? Je crois que c'est Romain, la semaine dernière, qui avait parlé de ce joueur contre, pour faire son joueur clé contre les Chiefs. Alors, on n'a pas eu trop l'opportunité de s'en rendre compte dans ce match. Est-ce que ça ne va pas finalement se réaliser contre Denver? Oui, c'est possible. C'est possible. Après, moi, je rebondirai juste sur ce qu'a dit et ce qu'a évoqué Jean-Jacques. C'est la blessure et la disparition de l'équipe de Mayo. C'est vraiment une grosse perte. Ça paraît pas comme ça parce que c'était un peu moins le titulaire, il était moins présent que les dernières années. Mais c'est un joueur qui est hyper important sur le terrain, dans le vestiaire, et qui avait, je trouve, retrouvé une seconde jeunesse là ces derniers temps. Et j'étais vachement triste. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur le compte Facebook, sur la page Facebook du fan club. Je trouve que finir là-dessus, c'est tellement dommage pour ce joueur qui a énormément apporté au club. Ouais, je suis un petit peu triste pour lui, quoi. Alors oui, effectivement, c'est vrai que voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc Kojima Mayo est donc en IR. Je t'ai trompé de c'est sport. Ça. Donc Mayo est parti en IR pour la fin de la saison. Ce qui est un peu... La injury reserve, voilà. C'est la réserve des blessés, voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là. Voilà, donc ça y est. Donc il ne jouera plus cette année, et à mon avis, il ne jouera plus du tout avec nous, puisque je pense qu'il partira en fin de saison. Ouais, parce qu'il a un gros salaire, et il est question qu'on le coupe pour des raisons salariales. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Alors voilà. On a parlé de notre défense, alors maintenant, place à l'attaque, des Patriots. Ah ben la première question, messieurs, par rapport au match des Chiefs où, au final, notre attaque a été efficace, mais est-ce qu'elle ne va pas devoir augmenter son niveau de jeu? Eh ben pour empêcher notamment un fort pass rush, et cette fois, ils seront à 100%, que celui des Broncos, notamment avec un Demarcus Ware et tous les autres joueurs de la ligne des Broncos. Gigi. Bah ouais, complètement. C'est-à-dire que, de toute façon, si on fait comme le match des Chiefs, c'est-à-dire pas de course, je pense qu'on perd ce match. Parce que il faudra pas faire la même erreur deux fois. Je pense que les coachs, c'est pas les mêmes. La panique, on leur foudra pas la même panique. Ça sera pas aussi facile, je pense, sur le banc. Et si on diversifie pas notre jeu, eh ben je pense qu'on va se prendre des turnovers dans les dents et qu'on va forcer Brady à lancer loin, à faire ces petites passes qui font du 30-35 yards, et ça va pas être bon. Il faudra jouer sur du jeu court en passe et sur du jeu de côté ou même fatiguer cette défense en leur envoyant en plein fer tout le temps Jackson, mais en plein fer 3-4 fois, et je pense que ça va les faire douter qu'on peut faire plusieurs choses, et ça va peut-être libérer nos receveurs et faire descendre les linebackers et forcément les créer des espaces, et si on fait pas ça, je pense qu'il y aura moins d'espace et on va pas aller si loin qu'on a été avec les Chiefs. Alors tu l'as évoqué, Gigi, effectivement, le jeu de course, l'importance d'une attaque équilibrée entre le jeu de passe et le jeu de course. Romain. Ouais, toujours pour finir sur la défense de Denver, c'est que c'est vrai qu'on parlait des Chiefs tout à l'heure sur la pseudo meilleure défense de la ligue. Je pense que la réelle meilleure défense de la ligue, elle est là. ils ont un pass rush assez énorme mené par notamment Von Miller, les plus belles lunettes de la NFL. on a aussi un corps de linebacker qui est assez impressionnant avec Trey Ayton, avec Brandon Marshall, enfin l'autre Brandon Marshall, et peut-être le 1-2-3 des corners qui est très fort avec Chris Harris, Aqib Talib et Bradley Roby qui jouent dans le slot. Et là, c'est vrai que, comme le dit Jean-Jacques, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment d'arriver à varier beaucoup l'appel des jeux pour essayer de les faire douter, de les faire changer un petit peu les alignements. Et c'est comme ça qu'on trouvera les trous. C'est pas en allant les tester sur des jeux très prévisibles qu'on passera en force, comme on a pu passer en force contre les Chiefs sur un certain nombre de trucs. Alors, président, Ton avis. On parle, Romain vient de dire, il ne faut pas être prévisible, je suis plus que d'accord, et je rebondis sur ce que tu dis aussi, Cédric, dans ta question de départ. Tu parles de jeux variés, tu sais à quel point ça m'importe, ça, dans le jeu des Patriots. Dès qu'on commence à devenir téléphoné avec des jeux qu'on sent venir à l'avance, on perd. Que ce soit clair, les Patriots, ce n'est pas leur force. Et la semaine dernière, avec une vingtaine de yards au sol, ça passe contre les Chiefs, ça ne passera jamais contre Denver. Donc il va falloir, je ne dis pas qu'il va falloir instaurer un jeu de course hallucinant contre Denver, je dis juste qu'il faut, je pense, au moins terminer le match avec une soixantaine de yards minimum, c'est-à-dire qu'il faut un peu de course. Si on ne fait que passer, ça va mal se passer, ça c'est sûr. Et je me rappelle d'ailleurs d'un match, on avait perdu contre les Broncos en 2005 en play-off. Alors, ce n'était pas en finale de conf, je crois que c'était juste le match avant. Et je me rappelle que leur coureur de l'époque qui avait marqué la rencontre en marquant deux ou trois touchdowns, je ne veux pas dire de bêtises, mais il en avait mis plusieurs. S'appelait Anderson. Alors, je vois pas là un signe particulier, mais n'oublions pas qu'ils ont un CJ Anderson cette année aussi, et ça m'emmerderait qu'ils réalisent le même match. Donc, si on veut pas leur laisser le monopole de la course, ça serait bien que nous aussi, on instaure un petit peu de jeu au sol. Voilà, je dis pas qu'avec nos coureurs, on va arriver à instaurer un jeu. Le scénario idéal, c'est d'arriver à faire une grosse course assez tôt dans le match. Et là, derrière, tu peux dérouler un plan de jeu qui est beaucoup plus... Ouais, ça serait par exemple une option, ouais, complètement. Mais voilà, il ne faut pas être téléphoné, il ne faut pas être prévisible, il faut de la variété. Voilà, bon, bah, c'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Je trouve qu'on peut mieux faire à ce niveau-là encore. Bah ouais, non, c'est sûr. Après, moi, je prends... On compte aussi le match qu'on a joué cette année contre eux. Et quand on a joué contre eux la première fois, là, cette année, bon, on a perdu de pas grand-chose, mais il faut regarder qu'on n'a pas couru. C'est-à-dire qu'on a fait que dalle. Exactement. On avait encore Blount à l'époque, et je crois qu'on avait une vingtaine de yards. Je crois qu'on avait 20 yards, je crois, à la course. Et c'était vraiment ridicule. Je sais que c'était ridicule. C'était ridicule. Et c'est sur ça qu'on a perdu le match. Pas que sur le fait qu'on n'avait pas Edelman, qu'on n'avait pas toutes les armes. Souviens-toi, Anderson, le match qu'il fait aussi. Oui, il marque, je me rappelle qu'il marque 2 TD. Donc, ouais. c'est lui qui nous plante le match. C'est un match de folie. Quoi. Mais il faut dire aussi que Brady était en forme. Il en avait marqué 3, lui. Et c'est vraiment le jeu au sol qui nous avait planté ce jour-là. Parce qu'avec un jeu un peu plus installé au sol, on aurait pris plus de temps à jouer, on aurait gardé la balle plus longtemps, et je pense que ça aurait changé peut-être la physionomie du match en saison, en fait. Ouais, mais la grosse différence, enfin, de mon point de vue sur ce match, c'est qu'à l'époque, c'était Osweiler, et je trouve que Denver est beaucoup plus dangereux avec Osweiler, parce que déjà, Osweiler, tu peux toujours te dire s'il y a un problème dans le jeu, il peut courir, ce que Manning ne fera jamais. Et deux, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus équilibrés à l'époque, passe-course. Là, on sent vraiment que s'il doit se passer quelque chose, ça vient plutôt de la course. Manning se traîne vraiment et je trouve que ça peut leur porter préjudice contre nous. Alors Romain, juste, je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis sur le jeu. Maintenant, je pense qu'il faut, pour un match de ce rang-là en finale de conférence, je pense qu'il faut voir au-delà de ça. Il faut voir que Manning, sur le terrain, c'est un deuxième coach, mais il est sur le terrain. Et il va énormément apporter à ce niveau-là à l'équipe. Donc même s'il ne bouge pas beaucoup, je pense que par son coaching, si tu veux, sur le terrain, sur la pelouse, il va te transcender les joueurs et t'apporter énormément. Donc il va compenser son manque de mobilité par rapport à Osweiler par cette... ce tempérament un peu à donner les directives et à bien diriger, à bien changer par exemple son attaque au moment où il lit la défense. Puis si j'en crois le match de la semaine dernière, il fait même des passes quand il est par terre. Donc... C'est ça, ouais, voilà. Ouais, enfin celle-là, la passe, c'était vraiment du miracle. Moi, je pense que sans cette passe-là, je pense qu'on a en face, on a Big Ben, hein, je vous le dis. Hein. Oui, sachant qu'en plus, normalement, ils doivent arrêter le jeu puisqu'il est par terre, justement. Les règles sont vraiment très, très bizarres sur ça. C'est-à-dire que on ne sait pas trop. Après, voilà. Pour les gens qui n'ont pas vu le match, enfin, je refais un point, c'est un jeu où en gros Manning se laisse tomber pour éviter un sac, et au final, comme les arbitres sifflent pas, il se relève et il lance une passe de 25 yards qui les fait avancer. Voilà, exactement. C'est Manning, on ne sait pas trop s'il se laisse tomber. Donc normalement, s'il se laisse tomber, logiquement, les arbitres devraient siffler parce que c'est comme s'il met un genou à terre. Alors que là, on a l'impression qu'il ne sait pas trop s'il tombe ou pas. Et comme personne ne vient le toucher derrière, après, il peut lancer sa passe. C'est un peu litigieux, mais bon, ouais. Après, je pense que ça n'a pas fait tant polémique que ça, donc quelque part. Mais je pense que ouais, c'est l'action qui détermine la fin du match, hein. Ça, c'est clairement ça. Alors pour terminer un peu cette analyse et pour revenir un peu sur l'attaque des Patriots, j'aimerais juste qu'on fasse un tout petit focus sur un des duels. On a parlé de Factor X, de Manning, mais il y a un autre, je pense, élément clé, je pense, dans ce match, c'est le duel qu'il va y avoir entre Julian Edelman, qui sort quand même un très bon match face aux Chiefs, et Harris. Exactement. Exactement. Je pense que c'est. Mais si je voudrais avoir justement votre avis sur ce match-up qui est peut-être une des clés importantes de ce match. Président. Oh, je pense que Harris, qui fait du trash talking toute la semaine, sent une petite pression quand même, je pense, hein. Je pense qu'il veut mettre la pression sur les Pats, et s'il y a bien quelque chose qui ne marche pas avec eux, c'est ça. Donc moi, je trouve que le fait qu'il parle beaucoup, c'est peut-être bon signe pour nous. Peut-être qu'il a un petit peu peur, ou j'en sais rien. Moi, je vois bien Edelman faire un gros match dimanche. Romain. Alors, le gros avantage qu'on peut avoir là-dessus, alors les trois corners sont très forts, hein, c'est pas la question, mais c'est d'arriver, et c'est ce qu'on fait généralement bien, c'est d'arriver à bouger nos receveurs et Gronk éventuellement, juste avant que le snap soit lancé, de manière à avoir les corners qu'on veut sur les receveurs qu'on veut. C'est là où je pense qu'on peut essayer de les prendre, puisque par exemple, on sait que Chris Harris, certes, il est très bon, mais il est assez petit et léger. Si on lui met en face un Gronk sur une route, il peut avoir de la difficulté au duel, et c'est là où on peut essayer de faire des big plays. Gigi, ton avis sur ce duel Harris-Edelman? Alors, le duel Harris-Edelman, je pense que Edelman va faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il est vif, il est de retour. Il a prouvé que même de retour, même s'il fait ses deux, trois premiers drops et après il se remet en condition de match, ben ça passe. Ça marche. Et de toute façon, c'est juste un danger pour pouvoir que le Gronk fasse des big plays. Et Oui, je ça. pense que de toute façon, Harris n'arrêtera mais jamais, jamais, jamais Gronk. À un moment donné, il va arriver sur sa jambe et on va le voir traîner. Tu sais, rebondir. ou rebondir, voilà, ouais. Non, moi je le vois plus traîner, tu vois, sur sa jambe, comme ça, sur une jambe, et le tirer pour essayer de le faire tomber, et le grand gagner encore. Tu sais, les 2 yards à chaque fois qu'il gagne encore, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui saute dessus et qu'il le fasse tomber. Mais je le vois trop, cette action, je la vois. À Je mon la vois avis, d'entrée déjà. on va y avoir droit, Je effectivement. pense qu'on va y avoir droit à cette action. Mais pour revenir à Edelman, je crois qu'on n'a jamais perdu cette saison tant qu'Edelman a été Exactement. titulaire. C'est Ouais, je ça, crois que tout c'est à fait. ça. Hein, C'est ça. C'est ça. je n'étais pas sûr, mais c'est ce qui m'a semblé. Hein. Donc bon, c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'était Bono. Alors, petite information sur Harris. Hein. Pour le moment, il est en décision qui sera prise au dernier moment, le jour du match, pour savoir s'il va jouer. Mais normalement, Il est sorti à un moment donné sur blessure, mais il est revenu, je crois, après. J'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Il loupera pas un match pareil, je pense. Non. Non, non. Alors, on a parlé de l'attaque et de la défense des deux équipes, mais. Juste un tout dernier truc, Cédric, sur l'attaque, c'est que pour moi, pour moi, il y a deux match-ups très importants. Tu as parlé du premier, c'est Harris Edelman. Et le deuxième, c'est peut-être Gronk contre TJ Ward. Parce que TJ Ward, c'est un linebacker qui a assez mauvaise réputation. Et surtout, en fait, c'est là où on va voir si Denver veut pourrir le match en essayant de faire justement, comme Harris en parlait, des tacles un petit peu sales au niveau des genoux. Et c'est là aussi où ça peut se jouer. Comment est-ce que Denver va attaquer le match? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'avoir quelque chose au ralenti avec un petit peu des bagarres, des incidents, ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer de nous jouer? Moi, je les vois bien vouloir essayer de pourrir le match. J'espère me tromper, mais. Ouais, tu penses, moi je pense pas. Non. Je les vois faire un rentre-dedans au départ, mais à rester dans la légalité, quoi, entre guillemets, quoi. Ah ouais? Ouais, je les vois pas dépasser les limites. Ok, bah Ouais, écoute. je sais pas, écoute, on va J'espère. voir. J'espère, ouais, parce que ça serait un peu dommage. Et je pense qu'honnêtement, en défense, ils ont le talent pour pouvoir nous battre sans jouer là-dessus, quoi. Et je pense que de toute façon, c'est un piège. S'ils tombent là-dedans, je pense Voilà, qu'ils vont perdre je leur crois que ça... sang-froid. Exactement, Je je pense pense que que ça puisse être un piège. c'est un sang-froid qu'ils vont perdre. Et je pense que nous, on va en jouer parce que je sais que de notre côté, on est très intelligent là-dessus et on sait appuyer là où ça fait mal quand on commence à paniquer, quoi. On l'a vu avec les Chiefs quand ils ont commencé à paniquer. Et ça a été du petit beurre, quoi. Alors on a une des dernières clés du match, on en a parlé aussi dans les tops sur ce match des Chiefs. Peut-être que ce match sera serré et que ça va être l'importance tout simplement des équipes spéciales, que ce soit en défense comme en attaque. Et ça sera peut-être eux qui vont nous apporter la victoire. Alors à la fin du temps réglementaire, en prolongation, on ne sait pas, mais si au final, encore les équipes spéciales, il va falloir encore qu'elles répondent présentes. Romain? Ouais, alors pour moi dans les équipes spéciales, il va falloir que bien évidemment Gostkowski soit à la hauteur de ce qu'il a fait toute la saison, c'est-à-dire soit clutch si on a besoin de lui pour gagner le match sur un score serré. Sinon tout ce qui est kick-off, retour de kick-off, je suis moyennement inquiet. J'ai pas le souvenir que les équipes spéciales de Denver soient fabuleuses non plus. C'est peut-être leur petite limite. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est peut-être moins en danger qu'on pouvait l'être face à Kansas City, par exemple. Ouais, ben moi, tu vois, sur la Special Team et sur Gutowski, j'en rediscuterai tout à l'heure, mais je pense que c'est lui qui va nous donner la victoire à la fin, sur un coup de pied. Et ça, j'en suis à 80% persuadé. Voilà, Eh ben, je pense que ça va se jouer sur ça, sur un coup de pied à la fin, quoi. ça fera un joli finish. Bah oui. Ton avis, président, sur les équipes spéciales? Moi, les équipes spéciales, alors c'est rigolo parce que finalement, j'ai l'impression que ce soir, on n'a pas tous les mêmes avis et j'aime bien ça. Parce qu'autant sur la semaine dernière, les Kansas City, on était tous les trois assez d'accord et d'ailleurs, on s'est trompé et on en était, nous, les premiers heureux. Autant cette fois-ci, je dirais que moi, je vois pas mal de touchdowns et, enfin, pas mal, pas des tonnes non plus, mais pas forcément énormément de coups de pied. Alors, est-ce Ah non, que. j'ai jamais dit qu'il y aurait beaucoup de coups de pied, j'ai dit qu'il y en aurait un à la fin, D'accord, ok, bon. celui qui va nous faire gagner. Bon, alors là, écoute, moi, ça, je m'aventurerai pas dans un pronostic si précis, Moi, tu vas. mais je le souhaite. Non, moi, pour parler des équipes spéciales, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que là, à l'entraînement du jour, il y avait tous les joueurs présents. On n'a pas de blessés. Alors ça, c'est quand même assez rare pour le souligner, hein, parce qu'on a quand même passé une saison hallucinante au niveau blessé. Sauf un certain Matthew Slater, qui est Ouais, absent. putain. Et alors, Matthew Slater absent dans l'équipe spéciale des Pats, là d'un coup on n'a plus la même équipe spéciale, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Le mec c'est un leader, c'est le capitaine, c'est hyper important. Voilà, c'est dans la mise en place, dans tout. Donc j'espère juste que dimanche il sera de nouveau sur ses pattes et qu'il sera présent et qu'il sera prêt à bien choisir le toss. Parce que ouais, c'est vraiment le joueur de l'ombre qui fait Complètement. que la Special Team est ce qu'elle est en fait. Fait. Voilà, c'est le type qui remonte les troupes, qui arrive à donner ce rythme à la Special Team et tout. Je pense que ouais, je pense que sans lui, on a du souci à se faire Voilà, au niveau de la. ça pourrait être un petit facteur X dans le match. C'est vrai Voilà, aussi, ouais. son absence, c'est-à-dire que ça pourrait tourner en notre défaveur, en tout cas sur ce schéma Bah, de s'il n'est pas là, jeu-là. le principal souci, c'est que, un, c'est notre capitaine d'équipe spéciale, et deux, c'est notre gunner, et c'est de loin notre meilleur gunner, peut-être le meilleur gunner de la ligue. Donc, pour les gens qui connaissent pas ce terme, en gros, le gunner, c'est la personne de l'équipe spéciale qui court comme un malade vers la personne qui remonte le coup de pied pour essayer de le tacler. Voilà. Je me demande pas si c'est pas peut-être le plus rapide du club aussi. Il est très très Ouais, rapide, et ouais. c'est notre Solitaire, je ouais, sais pas, absolument. je sais pas si vraiment s'ils feraient tous une course. À mon avis, s'il n'est pas premier, il est second, à mon avis. Et puis c'est un Mais super athlète, hein. Il frappe fort, il court ah vite, oui. c'est vraiment un athlète complet, on n'en parle pas souvent de ce joueur, mais il est super important, quoi. Il est Pro Bowler, il me semble, non? C'est un Oui, cinquième Pro Bowl. Voilà, c'est pas son premier. Oui, mais c'est le joueur de l'ombre. C'est-à-dire que c'est pas le type qu'on parle tout le temps, qui est là, c'est pas un quarterback, c'est pas un receveur. C'est un type de l'ombre C'est un type qui a un poste qui un peu ingrat. C'est-à-dire que c'est un poste que pas grand monde parle, mais c'est un poste tellement important, tellement qui est décisif sur certaines actions et qui fait que voilà, c'est grâce à lui que certaines fois, ben, le type, on l'arrête sur la ligne des 20 au lieu de l'arrêter sur la ligne des 40, quoi. C'est C'est ça. tout. Voilà. Donc c'est moi, c'est en ça que voilà, au niveau équipe spéciale, c'est de ça que j'avais envie de parler. Alors juste avant de vous demander votre pronostic, messieurs, si vous devez me donner en trois petits mots un joueur clé dans chaque équipe à suivre pour cette finale de conférence, Romain. Alors côté New England, je vais dire Gronk parce que je pense que si on doit transpercer cette défense dans la red zone, ça se passera par lui. Donc pour moi, c'est vraiment lui le joueur à suivre côté New England. Et côté Denver, je vais dire Von Miller, puisque bah, notre grande question, c'est la ligne offensive, comme toujours. Et s'ils doivent nous faire du mal, je pense que ça passera par DeMarcus Ware, mais surtout par lui. Gigi. Moi, je pense que niveau de chez nous, je pense que ça va être Jones, Chandler Jones, parce que c'est lui qui va faire que les Broncos n'avanceront plus, je pense. Si, j'espère, hein, franchement, j'espère que ce sera ça. Et sinon, niveau Broncos, je pense que Manning, c'est tout, on ne peut pas dire quelqu'un d'autre, quoi. S'il revient sur un match de ses grands jours, ben, on peut avoir du souci à se faire, c'est tout. Président, te compter. Ouais, c'est très intéressant tout ce que vous dites, parce que je vous rejoins un peu. Après, je vais essayer de la faire un peu originale. Je vais opter plus pour McDaniel, pour notre joueur clé, joueur entre guillemets, du coup. Il faudrait que notre attaque soit variée. Donc, je compte voilà, sur le staff, sur notre coach offensif. Et un peu aussi sur Tom Brady, parce que bien sûr qu'il a, comme Manning, c'est un peu un coach sur la pelouse. Donc voilà, on va dire qu'en attaque, ça serait ça. En défense, pour les Patriots, je mettrais Hightower, parce que je pense qu'il va falloir arrêter les courses. Et je vois bien un gros match d'Hightower. Donc Gigi, tu vas pouvoir sortir ton maillot, c'est cool. Ah bah oui, bah, mais de toute et façon, si tu veux me faire plaisir, mets-le dimanche, ce maillot. Ben non, bah, tu connais très bien ma petite déréglage de cerveau. De toute façon, j'aurai le maillot de McCourty. McCourty, comme d'habitude, de toute façon. Ça va, il porte bonheur, donc ça va. C'est-à-dire que voilà, chaque playoff, tout le temps, c'est le maillot de McCourty, ça sera toujours le cas, quoi. Et puis Broncos, Broncos, on va pas faire original, on va dire Von Miller, parce que c'est quand même le joueur de la défense qui est impressionnant, quoi. Et puis, allez, Aqib Talib, je change un peu parce que Von Miller, je crois que Romain l'a dit, donc allez, Aqib Talib, puisqu'il joue contre son ancienne équipe, ça sera un petit clin d'œil. Normalement, il sort blessé au deuxième quart-temps, c'est ça, Aqib Talib? Voilà, là, vous penserez à moi. J'aimerais bien que j'aime bien ce joueur. Hein. Attention, il nous a apporté beaucoup quand il était là. Mais ouais, bon. Il nous a apporté quelques blessures un peu, un peu tragiques en play-off. Moi, je me souviens d'ailleurs d'un match en play-off des Pats où on perd contre les Broncos. Alors, je ne sais plus si c'est celui de 2005, peut-être un autre, je ne sais plus, où Sean Bailey fait un match de folie contre nous. Ah, ça m'emmerderait, j'étais fou, ça m'emmerderait qu'Aqib Talib fasse pareil que cette année-là, quoi. Le souci, c'est qu'aussi Talib, comme il a joué avec nous, il connaît un petit peu le système. Tu sais, il n'est pas, enfin, il sait qu'on a quelques automatismes avec, par exemple, le Gronk et Edelman, par exemple. Bien sûr. Et je pense que ça peut jouer aussi un petit peu. Pas beaucoup, mais ça va jouer un petit peu, tu vois. Le fait d'avoir joué à l'entraînement avec eux et tout, tu sais, ça peut jouer, ça peut jouer. Alors, moi, de joueur clé, bah, si on fait le clin d'œil un peu sur, pour reprendre le titre qu'on disait, le dernier tango, évidemment, Brady Manning pour les joueurs qui la suivent. Mais si on veut être un petit peu plus original, je dirais d'un côté Logan Ryan, qui va être face à Demaryius Thomas et qui va devoir créer des turnovers face à justement un Manning qui est plus un factor X, donc il y a des lancers de passe plus incertains. Et de l'autre côté, je dirais DeMarcus Ware. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, le pass rush, il a l'expérience. Il est vétéran, mais il a pas mal de roublardises. Il sait gérer face à des jeunes. Il va faire jouer toute son expérience. Donc, ça peut énormément jouer sur l'attaque des Patriots. si Brady est sous pression, si ça vient des Marcus Ware. Voilà, si on devait jouer, si on devait faire de ses côtés, pardon, si on devait prendre ses joueurs clés. Alors, maintenant, il nous reste une chose, le pronostic de cette finale de conférence. Alors, on va commencer par honneur au président, le roi du pronostic. Alors, cette finale de conférence, ça donne quoi? Oh. Alors, je suis un peu embêté parce que la dernière fois, tu m'avais chambré sur mes pronostics de saison parce que j'avais eu tort. La semaine dernière, j'ai eu tort avec Kansas City aussi. Donc, je ne suis pas dans une bonne dynamique. Et le problème, c'est que là, je vais donner les Patriots vainqueurs. Donc, du coup, tu vois, ça m'ennuie un peu de donner les Pats vainqueurs. Donc, je vais donner les Pats vainqueurs 26 à 21. Donc, un match serré. Voilà. Gigi, ton côté. Alors, moi, ça va être encore plus serré. Alors moi, j'annonce pour les Patriots, bien sûr, 30-27, avec un kick de victoire, comme je l'ai annoncé. Voilà. Romain, de ton côté. 24-17, Patriots. D'accord, donc c'est à moi qui vais prendre le... Oh là là, Cédric, la pression. C'est moi qui vais prendre le risque. 34 à... Allez, je veux dire que ça va être un beau match parce que j'ai envie que ce soit un beau match. 34-31 pour les Broncos. Oh, c'est horrible. Ah, c'est dur, c'est mais. Cédric, je te jure que s'il y a 34-31 pour les Broncos, je te vire du fan club français de New England Patriots. Ça aura été ta dernière émission. C'est bien. Ce fut court, ouais, mais intense. Mais intense. Attends, tu as tenu toute une saison, il y en a, il tient pas, je te dis. Oh là là. Voilà, non, mais j'ai envie en tout cas que ce soit un beau duel, qu'il y ait beaucoup de TD, que les deux, que Brady Manning nous fasse rêver encore pour cette dernière danse. Mais en tout cas, merci messieurs de nous avoir donné ces clés du match pour cette finale de conférence. Et nous, on va passer quelques minutes à parler de l'autre finale de conférence, les Cardinals face aux Panthers. La deuxième finale de conférence opposera dans la nuit de dimanche à lundi les Cardinals de l'Arizona aux Carolina Panthers. Les Cardinals sont sortis des Packers de Green Bay et quant à Carolina, ils ont sorti de manière plutôt admirable les Seahawks de Seattle, même si le score était serré. Le match se déroule en Caroline du Nord. Alors tout simplement, Romain, quelle équipe vois-tu gagnant de ce match et donc aller au Super Bowl? Alors, c'est une très bonne question, puisque les deux s'en sont sortis, que ce soit Arizona ou Carolina, s'en sont sortis vraiment difficilement. D'un côté, on a Arizona qui s'est tiré d'un coup de magie de Aaron Rodgers par une victoire en prolongation avec Larry Fitzgerald, qui fait peut-être son meilleur match en playoff de sa carrière. Il fait quasiment 200 yards à la réception, enfin, qui est assez énorme. De l'autre côté, on a Carolina qui invente le match à une mi-temps. Voilà, ils passent un 31-0, ils se font presque remonter, mais en fait pas. Moi, je dirais que Arizona a peut-être l'avantage parce qu'ils ont je pense que les deux ont d'excellentes défenses, mais Arizona a peut-être un jeu d'attaque plus varié. Et je pense que Carson Palmer a beaucoup plus de cibles à sa disposition. Il a un bon jeu de course et pas mal de cibles, alors que Cam Newton. À part Greg Olsen, et encore Greg Olsen est incertain, il a assez peu de gens. Enfin, je veux dire, c'est pas avec Ted Ginn qu'on gagne des Super Bowls. Alors, Gigi, ton côté, qu'est-ce que ça va donner cette finale? Moi, j'aimerais vraiment que ça arrive parce que je préfère de loin les Cardinals aux Panthers, mais de loin. Hein, c'est-à-dire que si je veux avoir une finale, là, je pense que mon joueur préféré, c'est Fitzgerald. J'ai toujours rêvé de voir ce joueur chez les Patriots. Ben moi, c'est toujours. Pas le joueur, donc c'est pareil. c'est un type, tu vois. Ça a été toujours mon modèle au niveau du receveur, quoi. C'est un type, il est trop fort. Voilà. Mais il s'est réinventé, enfin, en vieillissant. Ouais, qui jouait sur la vitesse et maintenant qui joue beaucoup dans le slot. Ben, parce qu'il en a beaucoup perdu, parce que bon, tout le monde vieillit, quoi. Mais maintenant. Je pense que c'est quand même les Panthers qui vont gagner. Parce que je vois pas d'autre chose que le train de Carolina se faire arrêter, en fait. Parce que là, ils se sont pris une petite frayeur contre les Seahawks. Et je pense que ça n'arrivera pas au prochain match. Et je pense qu'ils vont jouer tout le match cette fois-ci. Et je pense que voilà, ils vont marquer. De l'autre côté aussi, ça va marquer. mais c'est celui qui marquera le plus, et je pense que ce sera Carolina. Et sans compter le fait que quelqu'un aux États-Unis a porté la malédiction complète sur les Cardinals. C'est-à-dire que faire un tatouage du Super Bowl gagnant avant de l'avoir fait, ça n'a jamais porté chance. Ouais, on se rappelle des Seahawks. On se rappelle de cette année-là, début d'année, ça a été fait par les Eagles. Les Eagles ont eu leur tatouage. C'est vrai. A été une catastrophe leur saison. Les Cowboys l'ont fait. Ça a été une catastrophe. Oui, mais tant qu'il y a Romo aux Cowboys, ils sont fous de faire ça. Oh, tiens, c'est bizarre. Je sentais que tu allais rebondir là-dessus. Pourtant, sur Carolina-Arizona, c'était dur de mettre Romo dans la conversation. Mais... C'est fort. On a réussi. Voilà, mais j'ai tendu la perche aussi un petit Romain, peu. Romain, à tout moment, je peux te parler de Logan Ryan. Fais attention. je peux le faire. Non, mais voilà. Je pense que ils ont mis un jinx complet sur cette équipe des Cardinals et je ne pense pas qu'ils iront plus loin. Malheureusement, parce que c'est une équipe que j'adore et c'est dommage. Alors, on va donner la parole au supporter numéro 1 des Cards. Alors, président, les Cards. Non, peut-être pas supporter numéro 1 des Cards, mais peut-être supporter numéro 1 de Carson Palmer. Voilà. Parce que vous savez que j'ai énormément de maillots des Patriots. J'en ai très peu d'autres équipes, mais j'ai Carson Palmer, par exemple, des Bengals. Voilà, pour vous donner une petite idée, c'est pas forcément des maillots qu'on a tous. Et en fait, Carson Palmer, j'avais raconté à Cédric en off une fois, j'avais eu la chance ou pas, c'est pas forcément le joueur en lui-même. J'avais rencontré son papa en Arizona, enfin, entre l'Arizona et la Californie, au milieu de nulle part, en plein États-Unis, en plein désert. Un vieux monsieur adorable, super sympa, qui avait une casquette des Bengals donc à l'époque. Et moi et ma casquette des Pats, je le chambre un peu en lui disant « Qu'est-ce que c'est cette casquette ? C'est celle-là qu'il faut avoir », en lui montrant la mienne. Et il dit « Oui, mais toi, tu n'as pas un fils qui joue là-bas ». Alors j'ai dit « Ah tiens, vous avez un fils qui joue aux Bengals ? Intéressant ». Et le gars, en fait, c'était le père de Carson Palmer. Donc on a sympathisé, on a discuté, on a passé une heure à papoter. Il m'a raconté des petites anecdotes sur Carson Palmer. C'était super sympa. Et j'avoue que j'aimais déjà ce joueur et cette petite anecdote a fait qu'après je le suivais de manière un peu plus précise. Donc c'est vrai que de le voir aux portes du Super Bowl, pour moi, c'est un peu extraordinaire. En plus, il a un âge où j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière, quoi. Voilà, il a une équipe autour de lui qui est monstrueuse. On parlait de Fitzgerald, mais comme vous l'avez si bien dit, qui a su complètement adapter son jeu. C'est un mec qui aurait pu prendre sa retraite il y a 3 ans. Il est toujours là au top niveau, en jouant un peu plus dans le slot. Il y a Chris Johnson. Il y a des joueurs hyper intéressants dans cette équipe. Sans parler de la défense qui est hyper intéressante et hyper douée. Donc je trouve que ça ferait un super Super Bowl si les Pats passaient et qui se retrouvaient contre les Cardinals. Pour ce qui est des Panthers, moi j'ai toujours annoncé depuis le début de l'année, alors là si ça se passe, tu pourras pas me chambrer Cédric, que les Panthers perdront en finale de conférence. Donc ben, on y est, donc je les vois perdre contre les Cardinals. Et je vois bien Cam Newton un petit peu décevoir, et ça va avec l'idée que je me fais des QB, parce que moi je pense qu'à l'arrivée, les QB qui vont au Super Bowl, c'est toujours des QB assez hypomobiles, ils ne bougent pas beaucoup. Par contre, c'est des génies tactiques et avec un gros bras. Donc Palmer, il répond un petit peu à ce stéréotype-là de QB, et un Palmer Brady en finale au Super Bowl, je trouverais que ça a de la gueule, quoi. Bah, voilà. Écoute-moi, président, je vais te suivre. Je pense que c'est plutôt aussi les Cards qui vont passer. Notamment, par exemple, qu'ils ont l'habitude d'avoir des bons coureurs cette saison, les Cards. Donc, ils sont capables de défendre sur un Stewart de Carolina, notamment en termes de défense, par exemple, au jeu de course, qui est un des éléments clés de Carolina. Donc, de ce côté-là, ils sont capables de les arrêter. Au niveau après de la passe et des receveurs, les Panthers n'ont pas non plus des receveurs transcendants. Et face à la défense... des Cardinals, ça peut être compliqué face à un Peterson notamment, qui est très solide, qui l'ont montré tout au long de la saison, à la différence des Seahawks, qui ont montré beaucoup plus de difficultés. Donc je pense qu'effectivement Carolina, après un des joueurs qui potentiellement peut poser énormément de problèmes aux Cards, c'est Luke Kuechly. Kuechly qui fait une playoff absolument monstrueux, donc potentiellement lui il peut créer des turnovers, il peut capter des ballons, il peut saquer, faire plein de choses qui peut potentiellement poser problème aux Cards. Mais je pense que, et puis même via l'expérience des Panthers, qui sont quand même plus jeunes, ils sont sur une finale de conférence, ils ont sorti encore un gros match face aux Seahawks, même si la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée. Potentiellement, je pense qu'au final, l'expérience, ce petit plus, Carson Palmer, tu l'as dit, qui est un tacticien, Bruce Arians aussi sur le banc face à Ron Rivera, qui fait que tout cet ensemble, je pense que les Cards iront au Super Bowl cette année. Par contre, les Panthers, la saison prochaine, notamment avec le retour de Kevin Benjamin, seront peut-être eux au Super Bowl. Cédric, juste pour compléter, là où je suis un tout petit désaccord avec toi, c'est que pour moi, le joueur le plus dangereux, notamment contre Arizona, c'est pas forcément Kikli en défense, c'est Kawan Short, qui a été énorme la semaine dernière contre Seattle. Et on sait que la O-line d'Arizona, c'est mieux cette année, notamment depuis qu'ils ont Mike Ayupati. Mais globalement, par moment, il y a des petits trous. Et je vois bien des joueurs comme Kawan Short vraiment en profiter pour aller vraiment mettre une grosse pression sur Carson Palmer. Pour terminer sur cette finale de conférence, donc président, tu l'as dit, ça sera les Cards qui iront au Super Bowl. Romain, Tony, Cards. Ça sera Cards. Gigi, Panthers, et moi du côté des Cards. Donc, les Cards, en tout cas, sont favoris de nous quatre. Écoutez, on verra bien ce qui se passera dans la nuit de dimanche. De toute façon, le plus important, que ce soit les Cards ou les Panthers, on s'en fout, c'est ce qui est les Patriots. Évidemment. Évidemment, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. J'espère que vous serez nombreux sur le Facebook du Fan Club à commenter ce match. Et évidemment, le regarder en direct à la télévision à 21h face aux Broncos. Bon, mais écoutez, merci messieurs de votre participation pour cette nouvelle émission. Moi, il vous reste à vous souhaiter bonne semaine, de bons matchs NFL, et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. I'll patch up this cut.